Thank you. पाडुने उपेक्षा ले पाता इले नित्य निस्को पेतिया पाहुरी ओ इते मैं इले देखी जला चिती जे भी मैं हो वो नची पैं आभी कर्मर Foame prin dată, Vizite tămâne cu mă bufa, Cu măsuri sunt sau fire pangin, Te bufa de mână, Stăină de zi, Ovi te mână, Te câte mână, Ile te crini, Zâna te crini, Yeah. Yeah. La grâce de notre Seigneur Jésus vous soit multipliée. Amen. On ne doit pas dormir aujourd'hui. On est d'accord? Amen. Qui est d'accord? Moi. Ce sera toi la première personne qui va dormir ici là aujourd'hui. Non. Prions. D'accord? Prions en rendant grâce à Dieu de nous avoir permis de nous réunir déjà ici maintenant. D'accord, frère? Amen. Souvenez-vous, il y a le café, la cafétologue en arrivée. Elle va nous donner le café. Après, il y a les mangétologues encore ici. Donc, il y a de la nourriture. C'est pour dire que quoi, on va parler. C'est la nuit de prière ici. Mais une nuit de prière spéciale, il va prêcher. Il va prêcher en regardant. Si vous regardez, vous dormez, je vais encore prêcher. Je ne sais pas sur quoi il va prêcher, mais je vais prêcher. Les occasions comme ça, je n'ai pas souvent, donc mieux je prêche. Parce que si vous sortez, vous n'allez nulle part, vous allez seulement voyager. Il n'y a pas de voiture maintenant. Donc, comme on est ici, la personne ne peut partir, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc, je vais Amen. Prêcher. Amen. Mm-hmm. Donc, ça, remercions le Seigneur de nous avoir donné la grâce d'être parmi les vivants jusqu'à maintenant et de nous avoir permis de nous rassembler ici. D'accord? Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour la magnificence. Merci, Père de gloire, parce que tu nous as permis d'être ici maintenant. Merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs pour ta bonté pour nous. Merci mon Dieu, merci mon roi pour ta bonté parce que tu nous as réunis ici. Merci pour mes frères qui sont venus de Yaoundé, pour ceux de Bafoussam, pour tous ceux dans qui ont fait le déplacement ici, pour notre Père qui est parti dans l'au-delà, entre tes mains Père. Nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta bonté, reconnaissants, Père de gloire, pour la magnificence, pour tes projets dans nos vies. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu as pour nous comme bonté. Merci Père, merci pour tes projets pour nous. Merci pour tes projets dans nos vies. Merci pour ce que tu as décidé de faire pour nous. Nous te rendons grâce. Que ton nom seul soit élevé. Merci pour ton nom, merci pour ta grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose, ça va nous conduire encore à la prière. Imaginez seulement votre vie 5 ans avant. Imaginez seulement cela 5 ans avant, pour certains d'entre vous. Imaginez seulement votre vie quelque temps avant que vous n'ayez cru au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Imaginez qu'à cet instant vous mouriez, où serez-vous? Imaginez cela. Puis maintenant, regardez dans le monde que certaines personnes meurent sans arriver au niveau où vous trouvez. C'est-à-dire, sans arriver à la connaissance de la vérité. Imaginez que Dieu, dans sa grâce et dans sa souveraine bonté, tourne les regards vers toi et permette que tu comprennes la vérité. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 25 et 26, la Bible nous enseigne là-bas que si quelqu'un ne croit pas en la vérité, Satan l'a captivé pour le soumettre à sa volonté. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et la Bible nous enseigne que il faut qu'on soit seulement patient à ce que Dieu puisse donner la repentance à cette personne. Donc, si Dieu t'a permis que tu comprennes la vérité, écoute très bien, ça veut dire que le ciel a tenu conseil et décidé que tu entres dans la vérité. Donc, dans son plan, dans son divin plan, il avait décidé que tu comprendrais cette vérité. Ouvrez votre Bible alors que vous tenez debout. Je veux que vous lisiez cela. 2 Timothée chapitre 2. Prenez les Bibles, frères. Il y en va parler. Vous êtes comprenez, n'oubliez pas, on aura le. Il y aura le café. Non, restons debout pour le moment. Après, vous allez vous asseoir. On va seulement lire cela. On va s'asseoir. Parce que au lieu qu'on lise cela, on prie. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée, le chapitre 2. Courage, courage. Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez voyagé depuis 2 jours pour être dans les préparatifs. Je sais que pour d'autres, vous avez pris la route 5 jours-ci et vous avez voyagé pour longtemps. Je sais que pour d'autres, les femmes particulièrement, vous êtes livrées à ce que vous avez comme exercice préparé pour que les saints puissent manger et pour d'autres qui sont venus en ce lieu. Que Dieu se souvienne de vous et de chacune des actions que vous avez faites. Amen. Vous êtes tout le monde, vous êtes là. C'est dans cette même maison que j'ai prêché il y a cela plusieurs années. Et les gens étaient toujours debout comme ça. Ils prêchaient, ils disent, oh, où est la maman? Elle est partie, vous. Oh. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Attendons que tout le monde vienne. 2 Timothée chapitre 2. Je veux que nous lisions cela compris. Vous devez savoir de quoi il est question. Vous êtes frère, commençons verset 24. Allons-y. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Amen. Bien suivi. Donc toute personne qui est adversaire de l'évangile, que quand tu prêches la parole, il te taxe d'un certain nom. Sectaire, fanatique, tu es en train de la secte, on a lavé ton cerveau, tu crois que toi qui vas connaître la Bible plus que qui, ainsi de suite. Si quand les gens disent cela, la Bible explique ici qu'ils sont tombés dans les filets du diable. Et la Bible dit donc qu'on ne peut pas avoir de querelle avec ces personnes. Donc, le but de l'évangile, c'est pas de discuter. Parce que vous discutez, ça, même si vous faites n'importe quoi, ça ne peut pas entrer. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 et 4 nous enseignent encore que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Puis on explique encore, pour ceux dont le Dieu de ces siècles a voilé le visage. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un ne croit pas à la Bible, il n'y a pas deux problèmes. Le problème c'est que il est entre les mains du diable. C'est ce que la Bible enseigne, n'est-ce pas? Là, ça nous amène dans un style de prière. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter que Dieu vous enlève votre voile à vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi quelqu'un à côté de vous, ils voient votre vie, d'autres témoins même que votre vie a changé. D'autres témoins que non, Dieu est bon. D'autres même vivent dans le péché, mais quand ils savent que les choses bonnes arrivent, après, ils disent par exclamation que Dieu est bon. Mais la Bible déclare que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Lui, il a goûté que le Seigneur est bon, lui fuit seulement. Bien plus ceux qui viennent vous calomnier. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu vous donne la vérité? Vous comprenez donc que nous devons lui demander des actions de grâce. Parce que pour que vous soyez dans tout l'univers, il y en a des milliards de personnes. Dieu vient, il pointe le doigt sur vous pour vous choisir afin que vous compreniez la vérité. Ça, c'est inestimable. On ne peut pas payer cela. N'est-ce pas, frère? Amen. Ouvrons nos bouches. Disons au Seigneur merci pour tout ce qu'il fait. Même s'il ne vous donne plus l'argent, même s'il ne nous donne plus le mari, même s'il ne nous donne plus n'importe quoi, ce qui était essentiel qu'on ne pouvait pas acheter, il vous a déjà donné. Et ça, frère, ouvrons la bouche, disons-lui merci pour cela. Ouvre la bouche, dis-lui merci pour ce qu'il t'a donné comme don de vous. Même si ta vie venait à cesser sur la terre aujourd'hui, il t'aime. Même si ta vie venait à cesser maintenant là, Jésus a prouvé qu'il t'aime. Même si tes prières ne semblent plus être répondues, il a prouvé sa souveraineté dans ta vie en te sauvant. Il a prouvé qu'il t'aime. Il t'a appelé à la vocation céleste. Ça montre qu'il a le regard sur toi. Le jour où tu étais sauvé par lui, des gens sont morts sans le connaître. Le jour où tu as cru pour être sauvé, il y a des gens qui ont péri. Te voilà maintenu en vie. Comment donc ne peut-il pas te donner tout ce qu'il veut te donner? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? de ta bonté. Mes frères, la Bible déclare que chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous errants comme des brebis qui n'ont point de berger, mais il a plu au Seigneur de nous adresser la sainte vocation. Frères, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas se prosterner devant de lui? Lui qui nous a aimés, lui qui nous a choisis avant la fondation du monde. Bien-aimé, célèbre-le, célèbre-le, apprécie-le dans la immensité de sa grandeur. Je peux vous rassurer qu'il se trouve au milieu de nous maintenant. Il est digne de louange, digne d'adoration. Il se trouve en plein milieu de nous maintenant. Que veut-il faire avec nous? Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous en ce lieu maintenant? Oh Dieu! Merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, merci pour ta bonté, merci pour ta magnificence. Oh roi, oh roi, je te prie. Seigneur, tout l'univers chante et te louange dans ta majesté est incontestable, incontestable. L'univers chante ta grandeur, fait des voix présentes pour ta magnificence. Roi des rois, Seigneur de Seigneur, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Seigneur Dieu, c'est le tout. Nous t'adorons, nous nous prosternons devant toi, Père. Seigneur, nous prosternons devant ta face, toi seul, qui veux être adoré et te célébrer. Que ton nom se soit élevé. Seigneur, que dans la bouche de Rachid, Père, dans la bouche de ton peuple, Seigneur, nous chantons ta louange et ta gloire. Parce que c'est toi qui nous as choisi avant la fondation du monde, Père, et a destiné ce jour pour ta gloire. Seigneur, reçois notre adoration, reçois nos louanges. Reçois au Dieu de gloire les fruits de nos lèvres qui confessent ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour ta bonté, ta bienveillance à nous. Roi des rois, Seigneur du Seigneur, Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur dans ce lieu, tu es Seigneur dans nos vies, tu es Seigneur dans cette ville. Seigneur dans chaque événement de nos vies. Tu es Seigneur dans chaque chose que nous avons que nous entreprenons. Père, tu es Dieu. Oh Père de gloire, tu es Dieu. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit patrie. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être exalté, tu es Dieu. Il n'y en a point d'autre. Seigneur, tu es Dieu et tu es Seigneur. Il y a déclare. La parole déclare que tout blanc confessera que tu es Seigneur. Seigneur, Dieu le voit dans tout mon être, dans toute mon expression, mais tu es Seigneur. Tu règnes dans ma vie, tu règnes dans mon cœur, tu règnes dans mon cœur. Tu es Seigneur à jamais. Tu es Seigneur à jamais en ce lieu. Tu es Seigneur, que ton nom se soit élevé. Seigneur, reçois la louange et l'adoration de ton peuple. Seigneur, tu connais chaque cœur. Nous nous prosternons devant toi, Père, ce soir. Pour te célébrer, pour dire tu es le roi. Alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu de la création, les prosternons vivants, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu de la création. création, je me protège devant toi. Tu es le roi, tu es le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, vous ne pouvez pas lui donner de l'argent. Il n'y a rien que vous pouvez nous donner en retour. La Bible nous donne comme commandement dans Hébreux chapitre 13 que les sacrifices qui lui sont agréables, c'est le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Voici le moment par excellence de chanter la grandeur de son nom. Amen. Il est Dieu. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, tu es le Dieu de la création, je ne protège pas toi. Tu es le roi, tu es le roi. Alléluia. Bien-aimés, je veux que vous contempliez à qui nous avons affaire. Je veux que vous contempliez à qui nous avons affaire. C'est celui-là qui t'a sauvé le jour où il n'a pas sauvé quelqu'un d'autre. C'est celui-là qui s'est révélé à toi alors que ce même jour, il ne s'est pas révélé au tien. C'est ce Dieu-là qui fait tout ce selon le conseil de sa volonté. Contemplez sa grandeur, contemplez sa magnificence. Sa souveraineté n'a pas de limite, mais son amour s'est étendu et s'est descendu vers toi. Il t'aime d'un amour inaltérable. Adore le Père, adore le Seigneur. Alléluia. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. C'est celui qui a dit à Lazare de sortir du tombeau, il est sorti. Il règne. Son nom est seul, le seul nom élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas de nom plus glorieux que son nom magnifique. Mais il est descendu vers toi, il est descendu vers moi. Souvenez-vous de la personne que nous adorons. C'est celui qui a dit aux apôtres, si je veux que celui-ci demeure jusqu'à ce que je vienne, que tu es ensemble, s'il décide que tu ne meurs pas jusqu'à ce qu'il revienne, tu vas rester vivant. C'est celui-là qui a dit aux portes des enfers que vous n'avez plus le droit de vie et de mort sur mes enfants. Il a pris la mort, le châtiment sur lui à cause de toi et de moi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous de lui. C'est de son royaume dont nous parlons et il nous a donné cela gratuitement en portant la peine de nos péchés. Il règne. Bien-aimé, il règne. Il règne. Puisse-t-il régner encore que ce soit dans ton cœur. Puisse-t-il régner dans tous les domaines de ta vie où tu, n'avais pas accepté qu'il règne. Puisse-t-il régner dans ton corps mortel maintenant afin que là où il y avait une maladie, que ça disparaisse. Puisse-t-il régner maintenant afin que là où les ténèbres avaient envahi, qu'il vous en délivre maintenant par sa puissance glorieuse. Sa puissance de résurrection n'a pas changé. Puisse-t-il vous accorder même la guérison ce soir. Puisse-t-il vous délivrer de toutes choses qui nous vous dira ce soir. Il règne et il désire régner dans tous les domaines dans nos vies car il est le seul Seigneur. Il règne. Et frère, souvenez-vous, il règne et il vit éternellement. Il vivra éternellement. C'est de lui dont nous parlons, c'est le grand Dieu des siècles, le rocher des âges. Amen. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Mais fais chanter, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement, en ce lieu même, tu règnes, tu règnes. Dans mon âme, tu règnes, tu règnes, tu règnes, et vis éternellement dans nos vies, tu règnes, tu règnes. Tu règnes et vis éternellement dans nos familles. Tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Dans tes problèmes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Bien-aimé, imaginez les temps que tu devais passer dans l'enfer brûlant. Aucune difficulté de la vie dont ne peut plus te faire quoi que ce soit blocage pour servir tes grands dieux. Oublie tes problèmes et tes difficultés maintenant pour l'adorer seulement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Dans mon cœur, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Père de courage, je suis prosterné devant toi maintenant, alors que tu te tiens dans cette maison avec ton peuple. Seigneur, j'amène le cœur au devant de ton trône ce soir. Afin qu'ils comprennent la splendeur, la glorieuse magnificence de la vocation que tu nous as accordée afin que nous venions devant de toi pour t'adorer. Seigneur, alors que les armées célestes sont réunies maintenant, chantant avec nous ici, Père de gloire, pour t'adorer car toi seul tu es digne d'être adoré, pour te célébrer de tous nos cœurs, de toute notre âme et de toute notre pensée, les louanges de ta gloire. Seigneur, avec ce peuple, Père de gloire, je prie que tu entres dans leur âme et que tu ancres ton amour dans leurs pensées, afin qu'en tout paix de gloire dans leur vie, toi seul sois glorifié. Je te laisse présent, Seigneur, chacun individuellement ce soir, afin au Dieu de gloire que les fruits de l'herbe, Père, qui confesse ton nom, ces fruits de l'herbe qui confesse ton nom ce soir dans leur vie, soit un sacrifice agréable devant de toi. Reçois ces actions de grâce, Père de gloire, venant des cœurs purs, de ceux-là qui ont décidé d'en découdre avec le monde pour te servir, pour te célébrer. Seigneur, nous n'avons pas d'offrande à t'offrir que les fruits qui confessent ton nom. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, et nous te célébrons de tous nos cœurs. Toutes ces nuits, nous t'adorons, nous te célébrons, car tu es Dieu, celui-là seul qui fait toutes choses selon le conseil et sa volonté. Père, que ton nom soit élevé. Règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne dans nos pensées. Seigneur, que chaque brin de pensée maintenant, chaque brin au Dieu de gloire, des paroles maintenant, chaque atome, chaque respiration et chaque battement de nos cœurs soit maintenant pour ta gloire et pour t'adorer. Je soumets, Père, le cœur de ce peuple. Je soumets les pensées sous ta direction. Puisse ton esprit parcourir le cœur maintenant, Père, pour les amener au trône de grâce. Seigneur, tu es Dieu et tu règnes. Tu règnes dans mon cœur. Tu règnes dans mes pensées. Très souvent, nos pensées ont erré ça et là. Et nous avons confessé de nos lèvres sans pouvoir avoir l'amour de ton nom sur nos cœurs. Mais ce soir, tu nous amènes devant ton trône d'adoration. Seigneur, nous te célébrons. Nous t'adorons. Nous te magnifions, Père de gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Que ton nom se soit élevé, Père de gloire. Au Seigneur Jésus, tu es digne. Alléluia. Amen. N'est-il pas digne d'être adoré, frère? Amen. N'est-il pas digne d'être adoré? Amen. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom nous donne espérance, Jésus. Ton nom nous donne espérance, Jésus. Nous donne la santé, Jésus. Ton nom nous donne la santé, Jésus. Ton nom nous donne la santé. Ton nom nous donne la santé. Jésus. nom glorieux, ce nom puissant qui vous a été donné, ce nom avec lequel on peut en découdre avec toute puissance de l'ennemi. On ne peut pas acheter quoi que ce soit, mais il nous a donné gratuitement. Il dit qu'à mon nom vous chasserez des démons. Il nous y a invités en nous donnant la puissance de son nom. Quelle grâce et quelle bienveillance il a pour nous. Quelle confiance a-t-il eu à des simples mortels, des bouts comme nous. Des autres étaient des bandits, d'autres des menteurs, d'autres des meurtriers, mais il nous a fait confiance. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il vit à jamais. Je vous lance le défi de croire encore en lui ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mon frère, ma soeur, là où tu doutais que ce soit qui corrige ta foi, qui corrige ta foi maintenant, que là où tu doutais de lui, parce qu'il ne t'a pas guéri, parce qu'il ne t'a pas visité, te lance le défi au nom de Jésus, que ce soit de croire encore en lui, pour qu'il puisse toucher ton âme, qu'il restaure ta vie, parce qu'il peut faire quelque chose de nouveau pour toi encore ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. Je te lance le défi, frère, je te lance le défi, ma soeur, de croire encore à lui ce soir, car il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, la Bible déclare que quiconque croit en lui ne sera point confus. Que toute ombre de confusion disparaisse dans ton cœur ce soir. Et que seul Jésus-Christ notre Seigneur soit établi sur ton cœur. Qu'il règne dans ton âme, qu'il règne dans ton cœur, dans tes pensées. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur lui seul. Il est écrit que tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Demande au Seigneur Jésus de te saisir dans tous tes domaines. Qu'il règne dans toutes les quatre dimensions de ton être où l'adoration est exigée. Qu'il règne dans tes pensées. Qu'il soit souverain dans tes pensées. Qu'il soit souverain dans ton âme, dans ton cœur et dans ta force. Qu'il soit ta force dans l'adoration. Que le Saint-Esprit lui-même adore au travers de toi. Car très souvent tu l'as confessé des lèvres, mais régné par les œuvres et les actes. Jésus-Christ est Seigneur. Il règne. Il est digne de louange, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Mon Dieu règne. Jésus-Christ de Nazareth est sauveur. Il est le Rédempteur. Il est le Messie. Il vit à jamais. Il est celui-là à qui si on croit, on est point confus. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, celui qui a dit je viens. Le voici, il vient. Le voici, il vient. L'époux vient. L'époux vient. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime. Il est Seigneur. Il est l'unique Seigneur, le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Celui qui jugera toutes les œuvres mauvaises, toutes les pensées qui sera passées, qui aura passé ton âme. Que ton âme soit éternelle devant lui ce soir, afin qu'il règne partout où la passion, les passions avaient subjugué ta vie. Qu'il brise le bâton de l'ennemi, du dominateur sur ta vie ce soir. Amen. Par cette adoration que tu lui adresses. Amen. Seigneur, nous te célébrons. Nous t'adorons. Tous ces peuples procèdent devant de toi, Père de gloire. Nous venons devant le trône de grâce pour être secourus. Je prie au Père de gloire que ce sacrifice de lèvres soit un louange, une louange, Père de gloire, de bonne odeur pour toi. Et que toute l'armée des cieux qui participe avec nous, Père de gloire, en témoigne que ce peuple s'est disposé, Père de gloire. Parce que tu t'es formé toi-même, ce peuple, pour ta gloire. Père, que les rachetés chantent ton cantique. Ouvre seulement ta bouche, Père. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes parce qu'il t'a aimé le premier. Ce n'est pas parce que tu méritais, Père. Ce n'est pas parce que nous méritions, mais c'est parce que toi, tu l'as invité. Tu l'as accordé ton amour. Que ton nom se soit glorifié. Que ton nom se soit élevé. Dieu de gloire, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes dans ce lieu. Tu règnes dans ce lieu. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. À celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Gloire à celui qui vient. De Dieu acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu. Levons-nous, bien-aimés, levons-nous. Acclamez le Seigneur, acclamez-le. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être célébré. Jésus-Christ vit pour toujours. Il vit éternellement. Il règne dans ce lieu. Il règne en souverain maître. Il règne dans mon cœur, dans ton cœur. Il règne dans nos âmes. Que toute la gloire lui revienne maintenant et à jamais. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le roi des rois vous bénisse. Amen. Que le Seigneur des seigneurs vous comble. Amen. N'est-il pas Dieu, frère? Savez-vous ce qui a traversé votre âme? Savez-vous ce qui a parcouru votre âme comme ces ondées de l'eau qui frappent les vagues de la terre? Amen. Amen. Je crois où sont les cuisiniers. Donnez le café aux bien-aimés qui prennent du café avant qu'on avance vers ce soir. Je vais vous donner le café de l'autre côté. Amen. Prenez du café. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Je l'aime. Si vous n'aimez pas, ou ne parlez pas à aimer le Seigneur Jésus, je vous le dis. Couchez-vous devant de lui, dites Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Amen. Je dis, chaque fois, mesurez seulement ceci, chaque respiration de votre vie, il suffit qu'il enlève le souffle, vous n'êtes rien. Il suffit qu'il enlève son souffle, vous périssez. Mais il nous aime. Il nous aime. Il nous demande tout simplement de l'aimer en retour. Jésus nous aime, n'est-ce pas frère? Amen. Prenez le café. Je suis devant vous, je ne bouge pas d'ici. Vous prenez le café, je vous donne l'autre café. Ouvrons la Bible. Donnez-moi une Bible, s'il vous plaît. Toi, tu peux utiliser quoi? Il y avait quelqu'un qui... Tu peux utiliser celle-ci. Ouvrons la Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ne voyez-vous pas que vous ne voulez plus quitter sa présence? Amen. Ok, ça c'est en anglais. Ici, il est en anglais. Vous ne comprenez pas. Ça c'est en anglais ici. Vous qui notez, notez aussi Hébreu chapitre 1, si vous notez. Frère, je recommence encore. Le Seigneur vous aime. Amen. Le Seigneur nous aime. Le fait qu'il nous a sauvés, bien avant que vous ne naissiez, bien avant que vous ne naissiez, il vous a sauvé. C'est le signal de son amour pour toi. C'est le Seigneur de ton amour et son amour pour nous. Souvenez-vous, là où vous serez parti, si vous n'avez pas connu des gens longtemps, même la période de votre naissance même, pour que vous puissiez naître au moment où cet évangile va vous toucher. Nos grands-parents qui n'avaient pas l'évangile sont morts comme ça. Il nous a annoncé la vérité. L'Apocalypse chapitre 1, verset 3, la Bible déclare heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent et qui gardent les paroles de ce livre de prophétie. C'est ça, frère? Donc, ça veut dire que ceux qui n'ont pas lu cela, comment sont-ils? Malheureux, n'est-ce pas? 1 Pierre, le chapitre 1. Donc si vous êtes prêts, vous, à la cuisine, vous pouvez servir les frères et les sœurs. Je vais lire à partir du verset 13. Vous qui allez noter, je vais vous noter Hébreux chapitre 1, notez également Jérémie au chapitre 10. Notez également Proverbe chapitre 16. Que le Père vous bénisse. Donc, 1 Pierre chapitre 1, je vais lire à partir du verset 13 jusqu'au dernier verset, dans le verset 25. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 25. Et nous allons prendre un sujet sur lequel nous allons étaler ce soir jusqu'à ce que le Seigneur nous demande d'arriver. C'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. Vous avez tous cela, n'est-ce pas? C'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous voyez ça, frère? Quand vous vivez dans l'ignorance, on ne doit plus se conformer. Le style de vie de l'ignorance, on ne doit plus l'avoir, n'est-ce pas? Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, votre comportement. Tout ce que vous faites doit être sous la direction du Saint-Esprit. Tout ce que vous devez faire. La question, le Saint-Esprit approuve-t-il cela, doit passer au travers de chaque chose que vous voulez faire, chaque décision qu'on veut prendre. Il ne s'agit plus de ce que moi je veux. Il s'agit de ce que lui, il veut pour nous. On dit qu'on ait une entière espérance dans la grâce qui nous sera donnée lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. On continue. Selon qu'il est écrit, vous serez saints. C'est un commandement. Dieu a déjà prévu qu'on soit saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, comme nous avons invoqué ce soir, celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc Christ est venu mourir à sa demeure à cause de toi, frère. Parce qu'il ne voulait pas que toi et moi, nous soyons perdus. Il a prédestiné ces jours-là pour mourir afin que toi et moi, nous soyons assemblés ici cette nuit. Vous y êtes? Maintenant, la Bible déclare, le verset suivant, il dit, à cause de vous. Qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, maintenant nous pouvons croire en Dieu. Ayant purifié vos âmes, les âmes doivent être quoi? Purifié. Voici la solution. Il dit, en obéissant à la vérité pour avoir un amour quoi? Sincère. Voilà comment on purifie l'âme. Vous y êtes? Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car, écoutez très attentivement maintenant, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Je vais continuer ce soir en prenant la parole dans ce livre, c'est dans ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que ta vie? C'est de ça que j'en vais parler. Qu'est-ce que ta vie? La Bible nous explique ici que ce n'est pas par de l'argent qu'on a été racheté ou bien par l'or. Si c'était comme ça, c'était accessible partout. Parce que c'était vulgaire. Tout le monde peut avoir accès à l'or et à de l'argent. Mais il explique qu'on a été racheté par quelque chose que ce n'était pas accessible du domaine humain. C'était prédestiné par le sang de quelqu'un qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Et on nous rachète de nos vraies manières de vivre que nous avons hérité de nos pères. Donc, malgré nous, même si vous êtes bien n'importe comment, vous avez hérité de mauvaises actions. Donc, vous ne pouvez pas vous-même corriger. Il nous explique donc que le Seigneur Jésus est venu pour corriger cela. Alors, la question maintenant que je pose dans cet enseignement, c'est qu'est-ce que ta vie en tant qu'être humain, pour que tu te vantes? Y a-t-il sujet que quelqu'un puisse se comparer à un autre? Y a-t-il sujet de te vanter? Quand on va dans le miroir, on se regarde dans le miroir en regardant qu'on est beau. Vous êtes beau plus que la fleur dont on a comparé ici. Il dit que l'homme est comme la fleur. Donc on doit regarder notre vie comme une vie passagère. La fleur dans toute sa beauté, ce que vous cueillez, ce que vous déposez là-bas, et dans les minutes qui suivent, ça périt. C'est pas vrai? Vous avez coupé la source de subsistance de cette fleur. De la même manière, un homme, malgré toute sa beauté, malgré toute sa gloire, prenez des exemples sur des gens qui sont dans le monde, qui ont été fameux dans le monde. Prenez Michael Jackson. Prenez Lady Diana. Prenez les gens qui étaient élevés parmi les hommes, le pape Jean-Paul II. Prenez les gens que nous adorons aujourd'hui, des idoles. Prenez Einstein. Prenez Sir Isaac Newton. Prenez René Descartes. Tous ces grands-là, les grands philosophes, Socrate, Platon et tout le monde, dont leurs pensées continuent à nous parcourir d'une façon ou d'une autre et à influencer nos vies. Il a suffi qu'ils expirent pour que toutes les formules ne puissent rien faire pour eux. Mais il y a une personne qui vit pour toujours, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible déclare donc là que sa parole, c'est par elle que vous avez été régénéré. Parce qu'il vit, il a dit, je vis, vous vivrez aussi. Vous suivez? Alors, qu'est-ce que l'homme? Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Je vous aime, bien-aimés. Je vous aime. Hébreux chapitre 1. Vous y êtes? Lisons le verset 5, 6 et 7. Allons-y, mon cher. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Oui. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Oui. De plus, il dit des anges. Celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Continue. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Oui. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi? C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Amen. Vous voyez la personne que nous adorons. Vous voyez, on dit... Lorsqu'il introduit de nouveau le premier né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges l'adorent. Et nous jouons avec lui sur la terre. On prononce son nom dans des sentences mensongères. On prononce son nom en le traitant de n'importe quoi, de renégat sur la terre. D'autres le traitent de vanne-pied, mais il est le Dieu de gloire. Vous y êtes? Allons au chapitre 2. Chapitre 2. Vous y êtes? Verset 5, mon cher. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Oui. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oui. Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Stoppons là-bas. La question est posée. On dit que ce témoignage qui est rendu dans le psaume 10 pose cette question. En réalité, pourquoi tant d'écart entre Dieu et les hommes? Regardez l'immensité de l'univers. La terre n'est qu'une infime partie de la plaque tournante de l'univers. Il suffit que la terre soit soufflée par une comète et l'univers continuera à subsister. Mais parce qu'il y a des gens que Dieu a fait à son image, cela, la planète Terre a toute l'attention du ciel. La question c'est, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu prenne garde en lui? L'apôtre Jacques répond, ne savons-nous pas que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui a fait habiter en nous? Quelque chose se trouve en nous dont Dieu est en train de protéger, mais protéger votre vase. Cette vase, c'est pour que ces choses-là soient gardées de façon précieuse. Qu'est-ce que c'est que ta vie? La Bible déclare dans le livre des Job qu'il enlève son souffle et on périt comme les vermisseaux. Mais l'homme sur la terre porte la veste, tape la poitrine, dit « je vais te montrer ». D'autres disent encore, et la Bible les appelle les insensés, que nous allons trafiquer aujourd'hui. L'année prochaine, nous allons à tel endroit, nous allons faire des choses. Je vais construire ma maison, je serai comme ça. La Bible déclare que vous qui ne connaissez pas ce qui va arriver le lendemain. Jésus a donné beaucoup d'exemples. Dans Luc chapitre 12, verset 15 et suivant, il donne les exemples, et particulièrement l'exemple d'un monsieur qui avait son champ qui avait beaucoup produit. Le type pensait que c'est à cause de ses recherches ou bien de celui qui faisait pousser les choses. Quand la nourriture est venue en abondance, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser les greniers. Mon âme, tu as de la nourriture pour bon longtemps, donc tu peux maintenant manger et dormir. La Bible déclare insensé. Dieu dit, ton âme te sera demandée ce soir. Donc le ciel a l'attention sur notre vie. À tout moment, ton âme peut être demandée. Il suffit que tu franchisses la ligne rouge, Dieu vous appelle. Et si vous appelez à cet instant, que vous lui direz? Que direz-vous? Il a dit, si vous invoquez comme père, celui qui juge selon les actions de l'œuvre de chacun, sans accession de personne, conduisez-vous avec circonspection selon pendant le temps de votre pèlerinage. Donc il faut que la vie chrétienne, la vie de sainteté soit conséquente. Si vous dites, Seigneur, Jésus, tu es le Seigneur, il dit que quiconque prononce ce nom, qui s'éloigne de l'iniquité. Vous me suivez, frère? Amen. Jérémie, chapitre 10. Jérémie, le chapitre 10. Jérémie, le prophète Jérémie. C'est l'Ancien Testament là. Jérémie, le chapitre 10. Le verset 23, qu'est-ce que ça dit, mon cher? Ainsi parle l'Éternel. Oui, celui-ci, n'est-ce pas? De quoi c'est le sommet ici? Bon, frère, lis-nous le verset 23 du chapitre 10 de Jérémie ici. Verset 23, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Vous avez su ce qu'il dit, frère? Dieu te dit, en réalité, il veut dire par ici que si vous comprenez vraiment qui vous êtes, vous devez comprendre que vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien prévoir. Vous n'avez pas d'étude de risque sur votre propre vie. Dieu veut dire, dans votre existence, il y a des paramètres dont nous ne maîtrisons pas. C'est ce que Dieu est en train de dire. Lorsque nous marchons, il y a des paramètres dont nous ne maîtrisons pas. Vous pensez que ceux qui font des accidents, quand ils roulent, ils avaient programmé l'accident, frère? D'autres sortent, ils disent que j'arrive, pas vrai? Ils arrivent à la morgue, pas vrai? Pour d'autres, on les ramasse carrément sur le goudron. Pourtant, ils ont fait des programmes. Vous, pourquoi vous ne le faites pas? Il dit, ce n'est pas à l'homme, je le sais, ô Éternel, que ce n'est pas à l'homme. La vie de l'homme, la marche de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Donc, ça veut dire que vous l'admettez ou non, vous êtes contrôlé. Vous admettez ou non, on est exactement comme des bêtes, comme le prophète Job dit. On peut nous prendre et nous manipuler n'importe comment. Et nous sommes manipulés. La preuve, vous dormez, vous vous retrouvez dans des endroits, dans les rêves, que vous n'avez pas programmé. Vous mangez la nourriture qu'en temps normal, vous ne mangerez pas. Vous faites des choses dans les songes que vous ne ferez pas. Ça montre que vous n'êtes absolument rien. Demande à ton voisin, qu'est-ce que ta vie? Dieu nous interpelle à lui faire confiance. Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Dans Marc au chapitre 10, si vous ouvrez Marc chapitre 10, le verset 28, le Seigneur Jésus va prêcher. Il parlait des riches qui seront difficilement entrés au paradis. Les disciples vont commencer à se poser des questions maintenant. Là-bas, ils vont poser la question au verset 27 du suivant. L'apôtre Pierre va poser la question. Voici maintenant nous avons quitté tout pour te suivre. Qu'en est-il dit? Il voulait savoir de quoi la question. Jésus dit, il n'est personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses enfants, ainsi de suite, comme il a quitté là-bas, les retrouve au centuple avec des persécutions dans cette vie-ci, au finish, la vie éternelle. Donc, faire le bon choix, c'est de laisser tout entre les mains du Seigneur et lui faire confiance. Voilà le meilleur choix qu'un être humain puisse faire sur la terre. Parce que ta vie, tu ne dépends pas. Vous asseyez au lit, vous ne savez pas quand le sommeil vient. Vous savez tout simplement quand Dieu vous donne la grâce de vous réveiller. Vous dites, je me réveille le matin. D'autres se couchent, ils ne se réveillent pas. Comme tu te couches, c'est comme tu dors. D'autres, vous prenez la Bible, vous allez le lire. Vous vous souvenez seulement le matin, vous vous réveillez que mince, ma Bible est où? Vous ne savez pas quand. Pendant que vous allez les lire, le sommeil entre en jeu. Frère, c'est comme ça que vous pouvez mourir. C'est comme ça que vous pouvez mourir. Donc quand vous mettez la tête, pendant qu'on a de parler là maintenant, le sommeil vient. Un temps, vous dormez 5 minutes. Après quand vous ouvrez les yeux, vous croyez que vous avez fait une minute. Mais vous regardez l'heure, vous voyez que vous avez regardé plus de 5 minutes. Vous pouvez mourir comme ça. Qu'est-ce que dans ta vie? Proverbe chapitre 16. Qu'est-ce que ceci signifie? Si vos vies est insignifiante, si vous ne pouvez pas maîtriser votre vie, pourquoi ne pas faire confiance au Seigneur Jésus? Pourquoi essayer de ramer contre les vagues que vous ne pouvez pas, tenir? Les disciples ont essayé, quand ils étaient dans la barque et que ça périssait, là, entrer dans la barque, ils ont utilisé toutes les forces qu'ils avaient. Souvenez-vous, Les personnes contre qui les vagues étaient contre, ce sont les gens qui avaient eu l'expérience de la navigation et par conséquent de la pêche. Donc ils étaient habitués, ce n'étaient pas des novices. Mais là, une situation leur était arrivée qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Mais Jésus n'a pas utilisé l'expérience humaine, la façon humaine de résoudre le problème. Quand il s'est levé dans la barque, il a dit « Silence !» Silence n'avait jamais été parmi les météorologues. Silence n'avait jamais été utilisé par quiconque. Il s'est tourné, il a dit « Silence !» La vague a dit que le Créateur a parlé. Quand il s'est tué, les disciples qui marchaient avec lui depuis ont dit que « Qui est même celui-ci auquel les vagues obéissent ?» Quelqu'un dit « L'Éternel des armées. » Le Dieu Tout-Puissant. Celui qui dit et la chose accomplie. Donc frère, c'est à qui il faut faire confiance. Amen. Celui qui peut se lever à tout moment, donner la solution adéquate aux problèmes de nos vies. Amen. Vous avez des problèmes. Il y a des paramètres dans vos vies que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous avez le sang qui finit dans le corps, vous pouvez augmenter. Amen. Vous avez la leucémie, vous pouvez enlever. Amen. Ton nez, écoute, tu peux allonger. Amen. Si ton cœur s'arrête aujourd'hui, tu peux ranimer. Là, ton voisin, fais confiance au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, je veux ce soir que vous compreniez que, comme vous ne pouvez rien dans votre vie, l'air entre, ça sort. Il suffit seulement que ça veut vous étouffer. Vous allez commencer à faire comme ça. Vos yeux vont sortir comme ça, comme pour les dingueros. N'est-ce pas, frère? Amen. Vous allez crier à l'aide. Ça ne va pas vous aller crier à l'aide. Vous faites comme ça pour qu'on vous secourir. Maintenant, si vous ne pouvez rien faire contre cela, je veux que vous désarmez et qu'on laisse tout devant le Seigneur. Amen. Qui prenne le contrôle dans chaque domaine, chaque compartiment de nos vies. C'est ça que je vais vous amener. C'est-à-dire, tu n'as pas de pouvoir sur ta vie. Tu n'as pas le droit décisionnel même en tant que chrétien. Le monde peut faire ses faux pas, mais nous ne devons pas ses faux pas. On doit s'abandonner entre ses mains. Il dit bien s'abandonner. S'abandonner, ça veut dire, vous savez, quand vous portez l'enfant, vous jetez en l'air, l'enfant descendant rit. Si on fait ça avec l'un de nous, ils sont comme ça. D'abord, les pensées vont venir que s'il tombe ici, il serait comme le sac de Macabo. C'est pas ça, frère. Mais l'enfant rit dans les bras de son père. Il lui fait quoi? Confiance. Que quand il m'a lancé, il va m'arrêter. Est-ce que vous faites, quand vous lancez votre enfant, vous lui faites mal, frère? Non. Dis à ton voisin, Dieu ne peut pas te faire du mal. Dieu comme il t'a appelé à sa gloire, c'est pour que tu possèdes cette gloire. Et pour que tu participes à sa sainteté. Verset 1, 2, 3, 4, 5, plus 7, donc, du Proverbe chapitre 16. Allons-y. Verset 1. Verset 1, il est écrit, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Stoppons d'abord là-bas. Vous avez vu ce qui est écrit, frère? Donc, forme n'importe quel projet. La vie tout finale, c'est qui? Mais regardez ce qui est dit. On dit, « Le projet que forme, quoi? Vient de qui? » Ça veut dire qu'en réalité, vous avez la possibilité de faire des projets. Mais vous n'avez pas la possibilité de les faire réaliser. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Vous avez les possibilités intellectuelles de pouvoir faire n'importe quoi comme projet. Mais pour que ça se réalise, il faut que Dieu ait agréé. Dis à ton voisin, fais confiance au Seigneur Jésus. Désarme face à lui. Il y en a plein d'exemples dans la Bible. Plein d'exemples dans la Bible des gens qui ont fait totalement confiance au Seigneur Jésus. Prenez quelqu'un comme Zachée qui voit le Seigneur Jésus-Christ et qui décide maintenant de donner l'argent aux pauvres, de payer ceux qui lui devaient, remettre l'argent subitement. Il peut devenir quelqu'un qui vit dans le manque. Mais il faisait totalement et absolument confiance au Seigneur Jésus. Vous y êtes? Prenez un monsieur comme Lévi, dont le Seigneur le voit au péage, et dit, suis-moi. Il a quitté la maison, il n'a pas programmé quitter son travail. Il a quitté la maison, il travaillait là-bas chaque jour, et il avait un denier par jour pour aller nourrir sa famille. Jésus ne dit pas que quitte ce travail, je donne un travail meilleur. Je suis vos frères. Il ne lui a pas dit, quitte ce travail-là, tu viens travailler à une banque. Non. Il a dit, suis-moi. Il ne te dit pas où tu vas. Dis à ton voisin, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Donc, Lévi a commencé à le suivre comme ça. Il a laissé l'argent là-bas. Vous pensez qu'elle est rentrée le soir sans argent, qu'est-ce que sa famille a dit? 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Désormais, il n'est pas plus au travail. Il abandonne le lieu de service pour marcher, pour dire que le roi de Dieu est venu. On dit que le type, s'il est entré dans la secte de la colonne, voilà quelqu'un qui brillait, s'il avait le salaire. Wow, c'est vraiment, on a lavé le cerveau de Lévi. Lévi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un homme intelligent, on t'a enseigné les finances à l'école, comment tu comptes les impôts. Tu comptes les 10% avec les 19,2% n'importe quoi. Donc voici derrière maintenant. Repentez-vous. Le nom de Dieu est proche. Repentez-vous. Le nom de Dieu est proche. Il ne touche plus l'argent. Mais il a choisi la bonne part. Il a fait confiance au Seigneur Jésus. Il a pris le risque de faire confiance au Seigneur Jésus, d'abandonner son emploi pour vivre au jour le jour, en comptant sur lui. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons le projet en gardant les millions au cas où il y aura une récession futuriste. Maintenant, s'il y a la récession, et on décide maintenant que l'argent que tu as gardé, on dévalue. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes l'argent en main. On dit maintenant que ce billet-là, c'est zéro. On n'utilise plus ce billet-là. Qu'est-ce que tu fais? Et ton voisin, fais confiance au Seigneur Jésus. C'est la première partie. C'est la deuxième partie. Je vais continuer. On va développer, d'accord? Fermez votre Bible. Servez-le le café. J'arrive. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Permettez-moi de serrer la main à chacun de vous. Que Dieu te bénisse, mon cher. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, bien-aimé, Jésus-Christ m'appelle bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé, Jésus-Christ m'appelle bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé, Jésus-Christ m'appelle bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Jésus-Christ m'appelle bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Jésus-Christ m'appelle bien-aimé, bien-aimé, Jésus-Christ m'appelle bien-aimé. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la place. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, dans la maison du Seigneur, alléluia, il y a des maisons. Alléluia, dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la victoire. Alléluia, oh, oh, oh, il y a la joie. Alléluia. Oh, oh, oh, il y a la victoire. Alléluia. Je veux danser. Alléluia. Je veux m'élever. Alléluia. Nous allons danser. Alléluia. C'est maintenant. Alléluia. Tu vas danser. Alléluia. Il va danser. Alléluia. Nous allons danser. Alléluia. Danser. Alléluia. Il va danser. Alléluia. Il va danser. Alléluia. Je vais danser. Alléluia. Je vais me réjouir. Alléluia. Oh, oh, oh, il y a la joie. Alléluia. Oh, oh, oh, il y a la joie. Je vais sauter. Alléluia. Je vais crier. Je vais crier. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Dans la maison de mon Père, alléluia, il y a la victoire. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, alléluia, il y a la victoire. Alléluia. Oh, oh, oh, oh, il y a la joie. Alléluia. Oh, oh, oh, il y a la joie. Alléluia. Je vais danser. Alléluia. Et ta carte. Alléluia. Je vais danser. Alléluia. Je vais danser. Alléluia. Nous aller boire le café. Alléluia. Moi je vais danser. Alléluia. Je vais chanter. Alléluia. Tu vas manger. Alléluia. Amen. Amen. Que la grâce de notre Dieu repose sur vous. Amen. Mangez. Mangez, d'accord? Mangez. Thank you.